perché sur le toit du monde. Solo j'attends que mon cœur réponde. J'observe le reflet de mon ombre en bataille sous le cri des bombes. J'esquive la tempête, fuis l'orage. J'essaie de gravir quelques étages. J'anticipe pas l'atterrissage. Destiné gravé sur la page. Somme la vive, esquisse son revers. Touché par la lumière, enfouraillé, rêvassé sans repère. Coffré tout l'hiver. Mauvais souvenir quand mon cœur se resserre. J'lève le majeur en l'air. Le temps est tort, les années filent en l'air. J'me fais le film à l'envers. Tu médites, fume la sève. Le poumon se décolle de la plèvre. Rhétorique posée sur un 16. Écrasé sous le poids des rêves. 3h du mat, vendredi 13. J'ai pris la couronne et la fève. Au combat, j'n'attends pas la trêve. M'efface quand le soleil se lève. Avec ou sans les lover, on aura tout donné. Si c'était à refaire, je le referais sans jamais abandonner. Avec ou sans les lover, on aura tout donné. Si c'était à refaire, je le referais sans jamais abandonner. Sans jamais abandonner. Sans jamais abandonner. Si c'était à refaire, je le referais sans jamais abandonner. Sans jamais abandonner. On aura tout donné. Si c'était à refaire, je le referais sans jamais abandonner. À chaque problème sa solution. Un avenir à sonder, je cavale, évite la collision. J'ai appris à tomber, je maintiens le cap et la position. Pas le temps pour les regrets, peu importe les conditions. Je dois sécuriser ce que j'ai fondé. Vu d'ici bonne est la nouvelle. Reflet d'une étoile dans la prunelle. Distinguer le rêve et le réel. Je vois la lumière au bout du tunnel. Perpétuellement je me renouvelle. Fais face à mon reflet en duel. Bataille acharnée sans rituel. Et face au horizon car inondé, le cœur est comblé. Avec ou sans les lover, on aura tout donné. Si c'était à refaire, je le referais sans jamais abandonner. Avec ou sans les lover, on aura tout donné. Si c'était à refaire, je le referais sans jamais abandonner. Sans jamais abandonner. Sans jamais abandonner. Si c'était à refaire, je le referais sans jamais abandonner. Sans jamais abandonner. On aura tout donné. Si c'était à refaire, je le referais sans jamais abandonner. Et t'as fait la classique parisie. Et t'as fait la classique parisie.